بالله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Avant tout, on remercie Allah Azza wa Jal d'avoir permis cette rencontre et on demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder l'ikhlas, la sincérité, et al-amal al-salih, nous accorder la pratique qu'Allah Azza wa Jal aime et agrée. موضوع حديثنا اليوم يكون في بيان بعض أصول عقيدة أهل السنة والجماعة رحمهم الله ورضي الله عنهم. Donc le thème aujourd'hui portera sur un exposé de certains fondements de la croyance des gens de la sunna et de la jama'a. On ne pourra pas traiter tous les fondements, mais les fondements les plus importants. وأصل هذه الكلمات محاضرة ألقاها الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. Le cours d'aujourd'hui repose en particulier sur un cours de Cheikh al-Fawzan, Hafizahullah. Et tout ce que Cheikh Fawzan a dit ne sera pas forcément dit aujourd'hui. والذي دعا إلى الحديث حول هذا الموضوع ما تعيشه الأمة الإسلامية اليوم من تفرق واختلاف حتى أصبح المسلم في حيرة من أمره من يتبع وبمن يقتدي وأصبح الكافر الذي يريد الإسلام لا يدري أين وما هو الإسلام الصحيح الذي قرأ عنه وسمع ذاك الإسلام الذي أنزل على رسول الله ذاك الإسلام الذي مثلته حياة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ذاك الإسلام الذي انتهجته القرون المفضلة التي تسير عليها أهل السنة والجماعة. Donc ce qui pousse à exposer, à expliquer, à détailler, à rappeler la croyance et quelques fondements des gens de la sunna et de la jama'a, c'est la divergence, l'ikhtilaf et tafarruq, la division que connaît malheureusement aujourd'hui les musulmans. Au point où la confusion, la perplexité et le désarroi, al-hayra, règnent dans l'esprit de la masse des musulmans. Qui suivre, qui imiter ? Quelle croyance et quelle voie adopter ? Au point même que le non-musulman, souhaitant devenir musulman, face à la confusion dans laquelle les musulmans se trouvent, ne sait pas où se trouve l'islam correct, l'islam vrai, l'islam enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, incarné par les sahaba radiyallahu anhum et les premières générations, l'islam en fait des gens de la sunna et de la jama'a. C'est pourquoi nous allons parler, d'une part, nous allons rappeler, expliquer, définir murad wa ma'na wa asma ahli sunna wal jama'a, le sens de ahli sunna wal jama'a et le nom que portent les gens de la sunna et de la jama'a. Et d'autre part, nous allons exposer quelques fondements au sol sur lesquels reposent les gens de la sunna et de la jama'a, qu'Allah fasse qu'on fasse partie de ce groupe. ولكن قبل الشروع في هذا الموضوع المهم ينبغي أن نعلم أن المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أمة واحدة قال الله عز وجل إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. Donc, avant de rentrer dans le sujet et d'expliquer le sens de Ahl Sunnah wal Jama'a et les noms de Ahl Sunnah wal Jama'a et les fondements sur lesquels reposent les gens de la Sunnah wal Jama'a, il est important de savoir, de connaître et de croire que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans étaient sur la même religion, ummatan wahida, une seule communauté sur la même religion, une seule croyance, une seule voie, un seul chemin, des fondements identiques, des principes identiques, aucune divergence et aucune division. وكم حاول اليهود والمنافقون تفريق كلمة المسلمين على عهد رسول الله فلم يستطيعوا. Combien de fois les hypocrites, les munafiqun, qu'Allah nous préserve de l'hypocrisie, et combien de fois les juifs ont essayé, durant le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ils essayeront toujours et jusqu'à la fin des temps, à diviser les musulmans. Tafriq al-muslimin. Allah Azza wa Jal dit à propos des hypocrites de Médine, il dit, قال المنافقون, ils ont dit, لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ورد الله عليهم بقوله ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. Les hypocrites à l'époque du prophète sallam, ils ont dit à leurs compagnons, ne dépensez pas vos biens afin que les muhajirines se dispersent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les compagnons délaissent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a répondu du haut de ses cieux, il a dit, Lillahi khazainus samawati wal ard. À Allah appartient les trésors des cieux et de la terre, mais les hypocrites ne savent pas, ne comprennent pas. وقالت اليهود, pour ce qui est de la division que les juifs ont essayé de faire et essaient toujours de faire. Il y a plusieurs versets, je vais en citer deux. Allah Azza wa Jalla dit: "Wa qalat ta'ifatun min ahli al-kitabi aminu billadhi unzila 'ala alladhina amanu wajha an-nahar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un 'an la'allahum yarji'un ay 'an dinihim. Walakin al-khittah lam tanjah." Les juifs, ils ont dit, ça nous est rapporté dans le Coran, c'est deux parmi les juifs, Ka'b ibn al-Ashraf et Malik ibn al-Sayf. Ils ont dit, Allah dit, un groupe des gens du livre ont dit, croyez au Muhammad sallam en début de journée. Ils ont demandé à leur communauté de faire la prière de l'Fajr avec le prophète sallam en direction de la Qibla. Et ils se sont mis d'accord pour qu'à l'Asr, ils font la prière, mais cette fois-ci vers Al-Quds. La'allahum, pourquoi ils ont fait ça? La'allahum yarji'un. Pour que les musulmans qui suivent le prophète sallam délaissent leur religion et délaissent la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Walakin al-khitta lam tanjah. Mais cette tentative, par la grâce d'Allah, n'a pas marché. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le Coran, يا أيها الذين آمنوا لا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset, ô vous qui avez cru, si vous obéissez à un groupe des gens du livre, ils vont vous rendre mécréants, kafir, après que vous étiez musulmans, vous étiez croyants. Un groupe. Et ce verset là il est descendu sur Shas ibn Qais. C'était un juif. Il est passé à Médine, il a vu les musulmans, en particulier l'Aus ou l'Khazraj, qui étaient deux tribus de Médine, et qui avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étaient dans des huroub et dans l'adawa, dans des guerres et dans une animosité à l'extrême. Et quand il a vu les musulmans, en particulier l'Aus ou l'Khazraj, unis, ça lui a fait mal au cœur. Ça lui a fait très mal au cœur. Et il a appelé un jeune et il lui a demandé de dire de la poésie sur l'animosité qui existait à l'époque entre Al-Aws et Al-Khazraj. Et ce jeune a commencé à dire de la poésie et Al-Hamiyya ou Al-Ghadab, la ferveur, la fougue et la colère a commencé à jaillir. Et il a commencé à avoir presque une dispute entre Al-Aws et Al-Khazraj. Pourquoi ? Parce que ce juif, ça le chagrinait de voir les musulmans unis, et il disait, tant que les musulmans sont désunis, nous on peut faire ce qu'on veut. Comme c'est le cas aujourd'hui, entre autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jal, il a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cet événement. وَجَاءَ النَّبِيُّ إِلَى الْأَنصَارِ فَوَعَظَهُمْ وَذَكَرَهُمْ بِنِعْمَةِ الْإِسْلَامِ وَاجْتِمَاعِهِمْ بِهِ بَعْدَ الْفُرْقَةِ فَتَصَافَحُ وَتَعَانَ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti voir Al-Aws et Al-Khazraj, leur a rappelé le bienfait de l'islam après qu'il soit divisé. Et ils se sont levés, ils se sont embrassés et ils se sont serrés la main. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَ. Allah Azza wa Jal parle de ça. Il dit, et rappelez-vous du bienfait d'Allah lorsque vous étiez divisés et Allah vous a réunis avec le bienfait de l'islam et vous et a réconcilié vos cœurs et vous êtes devenus des frères. Et j'attire votre attention ici sur le fait que si les musulmans aujourd'hui ils veulent être des frères et que les cœurs soient unis l'un avec les autres, c'est que bini'mati l'islam, c'est que avec le bienfait de l'islam et rien d'autre. Derrière une seule croyance, derrière un seul chemin, derrière la sunna de son prophète sallam et le livre d'Allah azza wa jalla. وشلت وفشلت الخطة اليهود وبقي المسلمون أمة واحدة كما أمرهم الله في كتابه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Et la tentative, encore une fois, des juifs, et il y en a eu beaucoup, comme aujourd'hui il y en a beaucoup, des juifs, n'a pas réussi. Et Allah Azza wa Jal, il a préservé les musulmans et ils sont restés une seule et même communauté pendant toute la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et jusqu'à sa mort. Et Allah Azza wa Jal, comme Allah nous l'ordonne dans le Coran, il dit dans le Coran, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Attachez-vous à la corde d'Allah, à l'islam, au livre d'Allah, à la sunna du prophète, ensemble et ne divergez pas. وكما كان رسول الله يحث المسلمين على الاجتماع وينهاهم عن التفرق والاختلاف فكان يخبر بحدوث تفرق في هذه الأمة. Et de même le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incitait à rester unis derrière la vérité et de ne pas diverger. Et de même le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que malheureusement il y aura dans cette communauté des divisions et des désaccords. Et que le musulman, il doit faire tout ce qui est en son possible pour rapprocher les cœurs et faire disparaître cette division. Et parmi les hadiths qui nous parlent de cette division, il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Tirmidhi. Le hadith il est hasanun sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Ceux qui vont vivre parmi vous, il parle aux compagnons, radiallahu anhum, verront beaucoup de désaccords, beaucoup de divisions. Attachez-vous donc à ma sunna et à celle de mes compagnons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi dans le hadith de Tirmidhi, il dit, inna hadhihi al-ummah sataftariqu ala 73 firqa kulluhum fin nar illa wahida. Qalu wa man hiya ya rasul Allah? Qal al-jama'a. وفي رواية أخرى الذي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Et le prophète Hassan nous a informé aussi que cette communauté va se diviser en 73 groupes. Tous seront en enfer, qu'Allah nous en préserve, sauf une. Ils ont dit, qui ya Rasulullah? il a dit dans une version Al-Jama'a, le groupe. Et dans une autre version, il a dit celle qui est sur ma voie et celle de mes compagnons. Voilà le groupe sauvé, voilà le groupe préservé, le groupe qui suit le livre d'Allah et la sunna du prophète sallam. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi ces gens-là. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فتفرقت الأمة في أواخر عصر الصحابة ولكن هذا التفرق لم يؤثر كثيرا في كيان الأمة طيلة عصر القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله في قوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والحديث رواه البخاري. Et effectivement, la divergence est apparue dans cette communauté à la fin de la vie des compagnons, radiyallahu anhum. Mais cette divergence n'a pas eu un très grand impact sur kiyanatul umma, ou kiyanal umma, sur l'entité de la communauté. Kiyan, du verbe kana, de l'entité, de l'existence de la communauté. Tout le temps, pendant toute la période des trois générations, ça n'a pas eu d'incidence énorme. Parce que le prophète, il a fait l'éloge des trois premières générations dans le hadith de Bukhari. Il a dit, la meilleure des générations, c'est ma communauté, celles qui les suivent et celles qui les suivent. Donc ces trois générations ont été généralement préservées. Walillahi alhamd. Wa ba'da inqida'i 'asr al-qurun al-mufaddalah, ibta'ada al-muslimuna 'an kitab rabbihim wa sunnati nabiyyihim. فاشتد الخلاف وتعددت الفرق والنحل ونجمت المذاهب الباطلة ولا يزال ذلك مستمرا إلى وقتنا هذا وإلى ما شاء الله. Et après les trois premières générations, du fait de l'éloignement des musulmans du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallam, et beaucoup d'autres facteurs aussi, comme la traduction de livres philosophiques, comme le mélange des musulmans avec d'autres religions, mais principalement du fait de l'éloignement des musulmans du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de la compréhension des sahaba et des tabi'in. Qu'est-ce qui s'est passé? Le khilaf est devenu plus important. La divergence et les divisions se sont multipliées, étaient de plus en plus visibles. Au point que المذاهب الباطلة, des madahib faux ont émergé. Najamat. Bien sûr, on ne parle pas des madahib, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad ou l'imam Abi Hanifa. Ça, c'est des madahib des gens de Ahl Sunnah wal Jama'a. Nous, on parle de madahib qui ont contredit la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et même l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi, la division est restée comme ça jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à ce qu'Allah décide qu'elle restera ou qu'elle disparaîtra. Walakin bihamdillah baqiyat firqatun wa ta'ifatun wa hiya ahlus sunnati wal jama'a mutamassikatan bil islam as-sahih tasiru alayhi wa tad'u ilayhi wa la tazalu wa lan tazal bihamdillah مصداقا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من بقاء هذه الجماعة وذلك فضل من الله نسأل الله فضله ومنه. Mais ce qu'il faut savoir, et ça doit faire partie de notre croyance, c'est que malgré toutes ces divergences visibles et apparentes, il restera toujours un groupe parmi les musulmans qui seront, quand on dit groupe, c'est pas par leur petite quantité. Un groupe, il peut être en grande quantité ou en petite quantité. En grand nombre ou en petit nombre. Il restera toujours un groupe de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui restera sur l'islam du prophète et des compagnons radhiyallahu anhum. Et qui le pratiquera et qui appellera les gens vers cet islam. Et ça, en conformité à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité, comme dans les hadiths qu'on a cités tout à l'heure. Les hadiths des 73 groupes et d'autres hadiths. Et on demande à Allah Azza wa Jal de qu'on fasse partie de ce groupe. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه البخاري ومسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خاذلهم أو من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. Dans le hadith de Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il restera toujours un groupe de ma communauté sur la vérité, apparent. لا يضرهم من خاذلهم. Ceux qui les abandonnent, qui les délaissent, ne leur feront aucun mal. Wala man khalafahum. Et de même, ceux qui les contredisent, ou ceux qui sont en divergence avec eux, ne leur feront aucun mal. Et ainsi sera jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah azza wa jal, et ils seront sur la vérité. Inna hadhihi al-jama'a al-mubaraka tumathilu ma kana alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam وأصحابه في العمل والقول والاعتقاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Et ce groupe béni représente exactement, il est vraiment représentatif de la voix du prophète et de ses compagnons, aussi bien dans la croyance que dans les actes ou que dans les paroles. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est le groupe qui est sur ma voie et ceux qui m'ont suivi. C'est pourquoi on va voir, maintenant on va rentrer dans le sujet. Donc on a dit que d'une part on allait voir Al-Muradu bi Ahli Sunnati wal-Jama'a wa Asma'u hadihi al-Jama'a. On va voir maintenant le nom, le sens de Ahl Sunnati wal Jama'a et les noms que portent ou que les savants ont donné à ce groupe-là qui est Ahl Sunnati wal Jama'a. Tout d'abord, pourquoi on les appelle Ahl Sunnati wal Jama'a, ce groupe? Parce que ce sont des gens qui s'attachent à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit dans les actes, que ce soit dans la pratique ou que ce soit dans la croyance. Comme ils s'attachent à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on les appelle Ahl Sunna. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce sont ceux qui sont sur ma voie et celle de mes compagnons. Hum ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Ahl Sunna. Et on les appelle Ahl Jama'a parce que de par leur attachement à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils forment un groupe. C'est pourquoi on les appelle Ahl Sunnati wal Jama'a. ولما كانت هذه الفرقة هي الفرقة السالمة من الضلال تطلب الأمر معرفة أسمائها وعلاماتها ليقتضى بها فلها أسماء عظيمة تميزت بها من بين سائر الفرق. Étant donné que ce groupe, le Sunna wal Jama'a, c'est le groupe qui est salim, qui est préservé de tout égarement, alors cela nécessite de connaître le nom de ce groupe et les caractéristiques et les fondements de ce groupe. Et ce groupe, Ahl Sunnati wal Jama'a, a différents noms, parmi lesquels Ahl Sunnati wal Jama'a, aussi Al-Firqatu Nadia, le groupe Nadi, le groupe sauvé, Al-Firqatu Nadia, wa Ta'ifatu Al-Mansura, et le groupe victorieux. Et comme Cheikh Salih al-Sheikh, dans un de ses cours, Hafidhahullah, il dit que le terme qui était vraiment connu à l'époque des Sahaba radhiyallahu anhum, c'était le terme de Ahl Sunnati wal Jama'a, les gens de la Sunna et de la Jama'a. Pour ce qui est des termes de Al-Firqatu Nadia ou Al-Ta'ifatu Al-Mansura, ce sont des terminologies, des noms qui sont venus muta'akhiran, qui sont venus bien après. Mais qui sont appuyés par les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pour ça qu'ils sont acceptés par les savants rahimahumullah. Donc le premier nom de ce groupe, c'est Ahl Sunnati wal Jama'a. Fahum yatamayyazuna bi mizatayn 'azimatayn. Al-mizatul ula tamassukuhum bi sunnati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam hatta saru ahlaha bi khilaf sa'iril firaq فهي تتمسك بآرائها وأهوائها وأقوال قائدتها أو أقوال قادتها فهي لا تنسب إلى السنة وإنما تنسب إلى بدعها وضلالاتها كالقدرية والجهمي والمرجية أو إلى أئمتهم كالجهمية أو إلى أفعال القبيحة كالرافدة والخوارج والميزة الثانية أنهم أهل الجماعة لاجتماعهم على الحق وعدم تفرقهم بخلاف الفرق الأخرى لا يجتمعون على حق وإنما يتبعون أهواءهم فلا حق يجمعهم. Donc, أهل السنة والجماعة ont deux caractéristiques. D'ailleurs, on retrouvera ce nom, comme je vous ai dit, qui existait à l'époque, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, dans Sourate Ali Imran, Allah Azza wa Jalla dit يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. Et il a été rapporté dans le tafsir d'Ibn Kathir, la parole d'Ibn Abbas. Il disait تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والبدع. Donc c'est un terme qui existait. Il disait Abdullah ibn Mas'ud à propos du verset. Abdullah ibn Abbas à propos du verset le jour où des visages s'illumineront et le jour où des visages seront noirs. Abdullah ibn Abbas disait les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a verront leur visage illuminé alors que les gens de la bid'a et de la divergence verront leur visage noir, assombri. Qu'Allah nous en préserve, parce que personne n'est préservé. Et Ahl Sunnah wal Jama'a ont deux caractéristiques, deux particularités. La première, c'est leur attachement à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on les appelle Ahl Sunnah, les gens de la Sunna. À la différence d'autres groupes ou d'autres individus qui s'attachent à leur opinion ou qui s'attachent à leur passion ou bien à la parole de leur qad, à la parole de leur chef spirituel. Et ces gens-là ne s'attachent pas à la sunna, on ne les désigne pas par la sunna, comme les gens leur disent Ahl Sunnah, on les désigne de par leur bid'a, de par leur innovation et par leur égarement, comme on va dire Al-Qadariya et Al-Murjiya, parce qu'ils se sont égarés par rapport au Qadar, dans le Qadar Al-Muhim et Al-Irja. Et aussi, on va les nommer, désignés de par leurs imams, on va dire Al-Jahmiya, on va dire Al-Muhim Al-Jahmiya, de la personne qui a établi la voie de Al-Jahmiya. Ou bien, de par leurs actes, on va les appeler Ar-Rafida. Ar-Rafida parce qu'ils ont refusé la parole du petit-fils ou d'un des petits-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Al-Khawarij, on va les appeler Al-Khawarij parce qu'ils sortent les musulmans d'islam par le fait de commettre un grand péché. Et la deuxième particularité de Ahl Sunnah, c'est qu'ils forment une jama'a derrière sur la vérité, et c'est pour ça qu'on les appelle Ahlu Sunna wal Jama'a, alors que les autres groupes ou les autres individus, qu'Allah nous en préserve, ils ne se réunissent pas autour de la vérité mais autour de leurs opinions et autour de leurs idées. Et aussi parmi les noms de Ahlu Sunnati wal Jama'a, c'est Al-Firqatu Najiya, le groupe sauvé. Ayyi Al-Najiyatu min an-nar حيث استثناها النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق كلها في النار إلا واحدة يعني ليست في النار. Pourquoi on l'appelle le groupe sauvé? Parce que sera sauvé du feu يوم القيامة, comme le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, tous iront en enfer sauf une, sauf le groupe. C'est pour ça qu'on l'appelle le groupe sauvé. Et Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah dit aussi on l'appelle Al-Firqatu Najiya liannaha najat fi dunya min al-bid'ah. Elle a été préservée dans cette vie des innovations graves. Et aussi on l'appelle aussi cette jama'a Ta'ifatul Mansoura. Ce groupe de Ahl Sunnah wal Jama'a porte le nom de Ta'ifatul Al-Mansoura, le groupe victorieux. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qu'on a cité tout à l'heure, لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك. Il y aura toujours un groupe de ma communauté, Zahirin, qui seront au-dessus, qui seront victorieux, apparents, dans certaines riwayas, Mansoura, victorieuses, même si les gens les abandonnent, même si les gens divergent avec eux, jusqu'à ce que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala arrive. Donc voilà différents noms que porte Ahl Sunnah wal Jama'ah, et voilà le sens de Ahl Sunnah wal Jama'ah, qu'Allah nous en préserve. Et le groupe de Ahl Sunnah wal Jama'ah, c'est une grande famille. C'est pas si facile de sortir comme ça des gens de Ahl Sunnati wal Jama'ah, et ça nous convient pas à nous de le faire, ça revient aux savants. Maintenant, on va parler de Usul Ahl Sunnati wal Jama'ah, des principes, des fondements sur lesquels repose Ahl Sunnati wal Jama'ah. On va donner un exposé de certains fondements et pas de tous. إن أهل السنة والجماعة يسيرون على أصول ثابتة وواضحة في الاعتقاد والعمل والسلوك وهذه الأصول العظيمة مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان وهذه الأصول تتلخص فيما يلي. Ahl Sunna wal Jama'a avance ou repose sur des usul, des fondements. Al-Asl, c'est la chose sur laquelle on se repose. Et ces enseignes, que ça soit dans la croyance, que ça soit dans la pratique ou même dans le comportement. Et ces usul, elles sont tirées du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elles font objet d'un ijma', d'un consensus entre les savants. Tous les savants les ont acceptés, walillah alhamd. Et c'est la voie sur laquelle étaient les compagnons radhiyallahu anhum et les grands imams de l'islam, rahimahumullah. Et comme on a dit, donc le shir, le dars, partie du dars vient d'une muhadara, vient d'un cours que Sheikh Fawzan hafizahullah a donné. Donc là, on va revenir sur le cours de Sheikh Fawzan. Donc, al-asl al-awwal, le premier asl, on va en citer, il me semble, 8. Cheikh en cite 8. Il y en a bien d'autres. Al-asl al-awwal, al-imanu billahi, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal-imanu bil-yawmi l-akhir, wal-qadari khayrihi wa sharrihi. C'est le premier fondement sur lequel est les gens de la sunna wal jama'a. C'est la croyance en Allah Azza wa Jal, au prophète au pluriel, au livre d'Allah qu'il a révélé, au jour dernier, au destin en bien et en mal. Voilà, c'est ce qu'on appelle Arkanul Iman Sitta. C'est les six piliers de la foi. Lorsque Jibril il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a posé certaines questions, parmi lesquelles وما الإيمان؟ C'est quoi la foi? Il lui a dit الإيمان أخبرني عن الإيمان. Informe-moi sur l'إيمان, la foi. Il lui a dit الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Hassan lui a donné cette réponse. C'est de croire en Allah, au prophète, au livre d'Allah Azza wa Jal, au destin en bien et en mal, au jour du jugement dernier et aux anges. Alhamdulillah, on ne va pas rentrer dans le détail de ces six piliers. Bien, c'est la base sur laquelle repose notre croyance. Et ça peut faire l'objet d'un cours à part. D'accord. Donc ça, c'est le premier, al-asl al-awwal. Al-asl al-thani, min usul ahli sunnati wal-jama'a, anna al-imana, qawlun wa amal, wa'tiqat, yazidu bit-ta'ati, يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فليس الإيمان قول وعمل دون اعتقاد لأن هذا إيمان المنافقين وليس هو مجرد المعرفة بدون قول وعمل لأن هذا إيمان الكافرين الجاحدين كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. Donc la foi le deuxième pilier sur lequel reposent les gens de la sunna et de la jama'a, deuxième fondement, c'est sur la définition de la foi, al-iman. On va rester, on va utiliser le terme de iman. Al-iman, c'est à la fois une croyance, c'est à la fois une pratique et à la fois des paroles. Qu'Allah Azza wa Jal a expliqué, que son prophète sallam a détaillé. Et la foi augmente, les gens de la sunna al-jama'a affirment que la foi augmente avec l'obéissance, ta'a, et elle diminue avec al-ma'siyah, avec les péchés, avec le péché. Et la foi n'est pas seulement une pratique, ou plutôt des paroles et une pratique sans croyance. Parce qu'il s'agit là de la foi des hypocrites. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des hypocrites qui pratiquaient l'islam en apparence, mais au fond d'eux, ils cachaient le kufr. Et aussi, la foi n'est pas seulement une connaissance. Ce n'est pas le fait de connaître sans pratique et sans acte. Parce qu'Allah Azza wa Jal dit à propos. Parce que cette foi-là, c'est la foi des kafirin al-jahilin. Des gens qui n'ont mécru et qui ont renié. La vérité lui est parvenue, il connaît la vérité, mais il la renie. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « وَجَحَدُوا بِهَا » Allah, il parle d'eux, c'est un discours qui est entre Moussa alayhi salam et Pharaon. Et il vient avec des ayats, avec des miracles et des signes de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont vu que ces signes, ils pouvaient provenir que d'Allah azza wa jalla. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Allah, il nous dit à propos d'eux, il dit « وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُدُوَا » Allah, il dit à propos, il dit « Et ils les nièrent, yani, ces signes, injustement et orgueilleusement. Tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. » Donc le fait d'avoir cette certitude, mais de derrière ne pas s'y soumettre, ne pas y croire, ne pas la mettre en pratique, ce n'est pas l'iman chez les gens de Ahl Sunnati ou Al-Jama'a. Et Allah Azza wa Jal, il y a beaucoup de versets qui viennent dans ce sens dans le Coran al-Karim. Allah dit فَإِنَّهُمْ وَعَادًا وَثَمُودًا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Allah dit ils ne croient pas que tu es un menteur, comme c'était le cas des gens de Quraysh. Ils savaient, je dis bien le ma'rifa, ils savaient que le prophète venait de, c'était un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais les injustes, lorsqu'ils voient les signes d'Allah, ils les renient. C'est pourquoi la foi, c'est une pratique, c'est l'iman, c'est une croyance, une pratique et des actes. وليس الإيمان اعتقاد فقط أو قول أو اعتقاد دون عمل لأن هذا إيمان المرجئة والله تعالى كثيرا ما يسمى الإيمان أو الأعمال إيمانا قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. Et donc, la foi, ce n'est pas seulement aussi une croyance sans acte. Parce que cette croyance-là, c'est la croyance des Mourjia. C'est-à-dire, pour bien s'expliquer, Mourjia, c'est des gens qui ont dit que la foi, c'est la foi, et les actes, c'est les actes. أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان. Ils ont sorti les actes de la foi. Tu peux être croyant sans acte. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, les croyants sont ceux qui, lorsqu'on mentionne Allah Azza wa Jal, leur cœur frémisse. Et lorsqu'on récite sur eux des versets, leur foi augmente. Et ceux qui mettent leur confiance à Allah. Regardez, ça c'est dans le cœur. Et Allah dit, الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. Et ceux qui accomplissent la prière et qui donnent, qui dépensent de ce qu'on leur a donné, voilà les croyants véridique. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans certains versets, il appelle, yani, il nomme la foi des actes en lui donnant le nom de Iman. Comme Allah Azza wa Jal dit, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ أَيِّ صَلَاتَكُمْ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سَمَّ صَلَاتَ إِيمَانًا. Et Allah Azza wa Jal dans le Coran, il dit à propos des musulmans qui faisaient la prière vers le Quds, il a dit à Allah Azza wa Jal, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Allah n'a pas, votre foi ici, donc vos prières n'ont pas été en vain. Donc dans ce verset-là, Allah Azza wa Jal donne à la fois le nom al-Iman, le nom de Amal, ou le contraire. Al-Asru Thalith, le troisième fondement sur lequel repose Ahl Sunnati wal Jama'a, annahum la yukaffiruna ahadan min al-muslimina illa yani bi dhanbin min adh-dhunub aw bil kaba'ir. Yani parmi les fondements de Ahl Sunnati wal Jama'a, annahum la yukaffiruna ahadan min al-muslimin illa idha irtakaba naqidan min nawaqid al-islam بعد إقامة الحج عليهم والتوافر الشروط وانتفاء الموانع. Donc parmi les fondements de Ahl Sunna wal Jama'a, c'est qu'ils ne rendent pas mécréant un musulman parce qu'il a fait des grands péchés. Ils le rendent mécréant que si il a commis quelque chose qui annule l'islam, tout, bien sûr à condition que la vérité lui est parvenue et que des conditions soient respectées et que des empêchements aussi, par exemple l'ignorance ou par exemple shubha, il a eu une ambiguïté ou des choses que les ulama expliquent dans les livres. Amma ma kana min al-kaba'ir allati hiya duna ash-shirk wa lam yadul dalil ala al-muhim fa innahum la yahkumuna ala murtakibiha bil-kufr innama yahkumuna alayhi bil-fisqi wa naqs al-iman. Donc, les gens d'Ahl Sunnati wal Jama'a, pour ce qui est du musulman qui commet le kaba'ir, des grands péchés, ils ne le jugent pas à cause de ce grand péché commis comme un kafir. Mais ils disent qu'il est fasiq bi kabiratihi et il est naqis al-iman, il est mu'min bi imanihi wa fasiq bi kabiratihi. Il est croyant de par sa foi, et il est fasiq en arabe, fasiq c'est celui qui sort de l'obéissance d'Allah, de par son péché. Mais en aucun cas il est kafir. Wa idha lam yatub minha, ay min al-kaba'ir, fa innahu tahta al-mashya. In sha'a Allah ghafara lahu, wa in sha'a 'adhabahu. Walakin la yukhallad fi an-nar. Kama qala ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Et les gens d'Ahl Sunnati wal Jama'a considèrent que la personne qui a commis des grands péchés, si elle ne fait pas de tawbah, elle est sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. Si Allah veut, il lui pardonne, et si Allah Azza wa Jal souhaite, veut, il la punit, il punit cette personne. Mais en aucun cas, elle restera éternellement en enfer. Allah, pourquoi ? Parce qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe, mais en dehors du shirk, il pardonne à qui il veut. Wa madhhabu ahli sunnati wal jama'a al-wasat bayn al-khawarij alladhina yukaffiruna murtakib al-kabira wa in kanat dun ash-shirk wa bayn al-murji'ati alladhina yaqulun huwa mu'minun kamil al-iman wa yaqulun la yadurru ma'a al-iman ma'siya kama la yanfa'u ma'a al-kufr at-ta'a. Et les gens d'Ahl Sunna wal Jama'a, par rapport à son fondement, c'est les gens du juste milieu. Ils ne sont pas tombés dans l'extrême des Khawarij, qui rendent kafir toute personne, tout musulman qui commet des grands péchés, même si ce n'est pas du shirk. Et ils sont dans le juste milieu Ahl Sunna wal Jama'a, parce qu'ils ne tombent pas aussi dans la négligence, c'est un autre extrême, des Murji'a, qui eux disent que celui qui fait des grands péchés, il est mu'min kamil al-iman. Il est croyant totalement. Pourquoi ? Parce que eux, ils ont discerné, ils ont distingué la foi, l'iman, des actes. Et eux, ils disent, la yadurru ma'al iman ni ma'siya. Les péchés n'ont aucune incidence sur la foi, comme le kufr, comme l'obéissance n'a aucune incidence sur le kufr. Donc ça c'est le troisième fondement sur lequel repose le sunnati wal jama'a. Al-aslu al-rabi', le quatrième fondement sur lequel repose le sunnah wal jama'a, wujub ta'at wulat al-umur ma lam ya'muru bi ma'siyah. فإذا أمروا بمعصية لا تجوز طاعتهم فيها ويبقى طاعتهم في غيرها. C'est le fait de écouter et d'obéir au gouverneur parmi les musulmans tant qu'il ne nous ordonne pas une désobéissance. Et s'il nous ordonne une désobéissance, on ne l'écoute pas et on n'obéit pas par rapport à cet ordre. Mais le fait d'écouter et d'obéir reste valable sur les autres ordres qui sont convenables et qui sont en accord avec Shari'atullah. Parce qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez au prophète. Donc l'obéissance d'Allah et l'obéissance du prophète, elle est absolue, dans tous les cas. Et Allah dit ensuite, wa ulil amri minkum, et à ceux qui ont le pouvoir parmi vous. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, إنما الطاعة في المعروف. L'obéissance n'est valable que dans ce qui est ma'ruf, ce qui est connu comme convenable et comme bien. Et le prophète sallam disait aussi أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. Le prophète sallam disait je vous recommande la crainte d'Allah et d'écouter et d'obéir même si c'est un esclave éthiopien qui vous gouverne. ويرون أهل السنة والجماعة أن معصية الأمير المسلم معصية للرسول عملا بقوله صلى الله عليه وسلم من يطيع الأمير فقد أطاعني ومن يطيع الأمير ومن يعصي الأمير فقد عصاني. Et ils considèrent, les gens d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a, que désobéir au gouverneur musulman est une désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui obéit à un de mes amirs, de mes gouverneurs, c'est valable aussi pour les gouverneurs, c'est comme s'il m'avait obéi. Et celui qui désobéit à un de mes gouverneurs, c'est comme s'il m'avait désobéi. Bien sûr, toujours dans le convenable. وَيَرَوْنَ الصَّلَاةَ خَلْفَهُمْ وَالْجِهَادِ مَعَهُمْ وَالدُّعَاءَ إِلَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالْإِسْتِقَامَةِ وَمُنَاصَحَتَهُمْ. Les gens d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a font la prière derrière ces gouverneurs. Ils font le djihad avec eux s'ils ordonnent le djihad, et ils font des du'a en leur faveur, et ils leur ramènent et leur portent le conseil. Parce que obéir au gouverneur ne veut pas dire le laisser faire des choses qu'Allah Azza wa Jal déteste et n'agrée pas. Parce que s'il commet une ma'asiyah, des ma'asi, des péchés, il faut lui apporter le conseil avec dhawabit, avec les règles de nasiha, les règles qui existent quand on donne la nasiha. Et on doit faire du'a pour eux. Al-Fudayl ibn Iyad, c'est un très grand savant, il disait لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا للسلطان. إلا في السلطان. Il disait si je savais que ma du'a était acceptée, je la ferais en faveur de celui qui est au pouvoir. Parce que إذا صلح السلطان صلحت الأمة. Lorsque le sultan, celui qui est au pouvoir, rétablit l'ordre, la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala, on voit le bien par la grâce d'Allah, inshallah, dans la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cinquième point des gens de Ahl al-Sunnati wal Jama'a, c'est tahrim al-khuruj 'ala wulat al-umur idha irtakaba mukhalafatan dun ash-shirk. C'est l'interdiction de sortir du gouverneur musulman s'il commet des mukhalafa, s'il commet des désaccords avec la charia d'Allah, sauf s'il commet du kufr, un kufr bawah, un kufr évident sur lequel on a une preuve. Les amrihi, et même dans ce cas-là, les ulama disent que même dans ce cas-là, si le hakim commet un kufr bawah, un kufr évident, et on a une preuve de ce kufr, ça ne suffit pas pour sortir de ce gouverneur. Pourquoi? Parce qu'il faut regarder une deuxième règle qui fait objet de ijma entre les savants, de consensus entre les savants, qui est que le fait de sortir de se rebeller contre lui, de sortir contre le hakim, faut pas que ça entraîne une fitna plus importante que la fitna existante. Faut pas que ça entraîne un char, exactement le terme qu'ils utilisent les savants, plus grave que un mal, plus grand que, ce, que le mal existant. Et ça d'ailleurs on le voit aujourd'hui quand les musulmans ils sont sortis de leur gouverneur parce qu'ils ont vu en eux des mukhalafa, et ça a ramené beaucoup de mashakil, beaucoup de masaib dans la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لأمره صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في غير معصية ما لم يحصل منهم كفر بواح بخلاف المعتزلة الذين يوجبون الخروج على الأئمة إذا ارتكبوا شيئا من الكبائر ولو لم يروا ولو لم يكن كفرا ويعتبرون هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر زعموا والواقع أن عمل المعتزلة هذا هو أعظم المنكر لما يترتب عليه من مخاطر عظيمة من الفوضى وفساد الأمر واختلاف الكلمة وتسلط الأعداء. Et pourquoi? Parce que le prophète nous a ordonné de pas sortir de celui qui est au pouvoir, sauf si je commets un kufr, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Et ça, c'est un principe chez les gens d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, à la divergence des Mu'tazila, qui eux considèrent qu'il faut sortir des gouverneurs parce qu'ils commettent des grands péchés, même si c'est pas du kufr. Et ils considèrent que ça rentre dans l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Ça rentre dans le fait de conseiller le bien et d'interdire, de déconseiller le mal. Et en réalité, ce que font ces gens-là, c'est un grand munkar. C'est ça le munkar. C'est ça la turpitude, c'est ça le mal. Pourquoi? Parce que ça entraîne beaucoup de conséquences et beaucoup de dangers pour les musulmans, comme la zizanie, al-fawda, ou al-fasad al-amr. Et il y a le fasad chez les musulmans, ikhtilaf al-kalima, les musulmans sont divisés, ou tasallut al-a'da. Et les ennemis d'islam se réjouissent et prennent le pouvoir sur les musulmans, comme c'est le cas aujourd'hui. Parce qu'en réalité, il n'y a que ahlul jahiliya, la yakhda'ouna li sultan, ou la les amirs. Il n'y a que les gens de la Jahiliya qui, de l'époque, avant l'époque du prophète sallam, qui refusaient de se soumettre à tout ordre ou à tout responsable. Alors que les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ils ont un responsable parmi les musulmans et ils écoutent et ils obéissent dans ce qui est convenable. Al-Muhim. Al-Aslu Sadis, min usuli Ahl Sunnah wal Jama'a, hubbu ashabi Rasulillah, wa salamatu qulubihim wa al-sinatihim لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن محبتهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق. Parmi les fondements très importants de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est le fait d'aimer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et salamatul quloub wal alsina. C'est le fait de ni de dire de penser du mal dans nos cœurs ou de dire du mal avec nos propos sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que aimer les compagnons, ça fait partie de la foi et ça fait partie de la religion. Et les détester, c'est du kufr billah azza wa jal et c'est de l'hypocrisie. Qu'Allah nous en préserve. D'ailleurs, Abdullah ibn Mas'ud disait: Hubbu Abi Bakr wa Umar wa ma'rifatu fadlihima min sunnah. Le fait d'aimer Omar et Abu Bakr et connaître leur mérite, c'est la sunna. Et l'imam Malik rahimahullah disait: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمهم السورة من القرآن. Il disait: les salaf salih apprenaient à leurs enfants l'amour de Abu Bakr et de Omar comme ils leur apprenaient une sourate du Coran. Pourquoi? Parce que à ces moments-là, il commence à voir des gens qui disent du mal sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme al-Rawafid, ou bien Shia, comme on les appelle aujourd'hui. Et ça a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: La tasubbu ashabi, falaw anna ahadakum anfaqa mitla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: N'insultez pas mes compagnons. Car si l'un d'entre vous donnait en dépensé l'équivalent de la montagne de Uhud en or, ça n'équivaut même pas à une poignée de l'un d'entre eux ou à la moitié d'une poignée. Parce que les sahabas, c'est les sahabas, radhiyallahu anhum. Sans bien sûr tomber dans un roulou, dans une exagération. Et ça, c'est khilafan lil-mubtadi'a min al-rafida wal-khawarij alladhina yasubbuna as-sahaba wa yajhaduna fada'ilahum. Subhanallah. Et ça, c'est en divergence. Les gens d'Ahl al-Sunnah wa Jama'a sont en divergence avec les rafida, les shi'a et les khawarij qui, eux, insultent les compagnons du prophète sallam, renient leur mérite et même et les kafar, et les rendent mécréants. ويرى أهل السنة أن الخليفة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي فمن طعن في خلافة واحد من هؤلاء فقد أضل فهو أضل من حمار أهله لمخالفته النص والإجماع على خلافة هؤلاء على هذا الترتيب. Les gens d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a considèrent et croient que le mérite al-Khalifa, le pouvoir à la mort du prophète sallam, revenait à Abu Bakr, ensuite à Omar, ensuite à Uthman et ensuite à Ali radiallahu anhu, dans cet ordre. Et celui qui dit du mal sur les califes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est plus égaré, il est très égaré. Pourquoi ? Parce qu'il va en désaccord avec les textes du Coran et de la Sunna et du ijma', du consensus des savants de cette communauté. Al-aslu sabi' min usul ahli sunnati wal jama'a. Mahabbatu ahli bayti rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa tawallihim. Amalan bi wasiyyati rasulillah bi qawlihi udhakkirukumullah fi ahli bayti Parmi les principes sur lesquels reposent les gens d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a et qu'on doit connaître et que malheureusement on ne connaît pas aujourd'hui, et c'est entre autres par ça que rentrent les Shia, c'est le fait d'aimer, mahabba, aimer les Ahl al-Bayt, les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en application avec la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. Je vous recommande ma famille, je vous recommande bien ma famille. Donc la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi la famille du prophète sallam, comme ça a été rapporté dans le livre de Aqida, il y a أزواجه, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi Fatima والحسن والحسين وعلي رضي الله عنه. C'est Fatima, Ali, Al-Hassan ou Al-Hussein et leurs enfants. Wal-Abbas ibn Abd al-Muttalib wa abna'ihi. Al-Abbas, donc du prophète sallam et sa descendance. Wa Al-Ja'far, la famille de Ja'far. Wa Al-Uqayl. Al-Muhim, on retrouvera ça, vous retrouverez ça par exemple dans Sharh Aqid al-Wasitiyya de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, ou dans tous les livres de Aqida, parce que l'amour de la famille du prophète sallam fait partie de la foi, fait partie de l'Aqida. Wal aslu fi ahli al-bayt qarabatu an-nabi sallallahu alayhi wasallam wal murad bihim huna as-salihun minhum khassa amma qarabatuhu ghayru as-salihin falaysa lahum haqq ka'ammihi abi lahab ومن شابهه قال تعالى تبت يدا ابي لهب وتب. Donc ceux qui méritent ce respect, cet amour parmi les gens de Ahl al-Bayt, ce sont ceux de Ahl al-Bayt qui ont cru et qui sont des gens pieux. Parce que ceux qui n'ont pas cru et ceux qui ne sont pas pieux n'ont pas ce mérite de Ahl al-Bayt. Comme c'est le cas par exemple de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Lahab, ou bien Abu Talib. Allah Azza wa Jalla a révélé à propos de Abu Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab, que périssent les mains de Abu Lahab, les deux mains de Abu Lahab, et que lui-même périsse. Donc il est, et Allah Azza wa Jalla à la fin du verset, il dit sayasla naran, na, nar, sayasla nar, المهم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله dans le verset il dit qu'il rentrera en enfer ainsi que sa femme. فمجرد القرابة من رسول الله والانتساب إليه من غير صلاح في الدين لا يغني صاحبه من الله شيئا. Le fait de faire partie de la famille du prophète sallam, mais d'être loin de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne sera d'aucun recours. Comme le prophète sallam disait, man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabuhu. Celui qui ne commet, qui ne fait aucune œuvre, son nasabuhu, son rang de famille, son lien de parenté, ne lui sera d'aucun recours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith de Bukhari wa Muslim, يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس ابن عبد المطلب يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. Le prophète sallam il a dit ô Quraysh, sauvez vos personnes de l'enfer car je ne serai pour vous d'aucun recours. Ô Abbas, il parle à son oncle, sauve-toi, sauve ta personne car je ne serai pour toi d'aucun secours. Ô Safiya, c'est la tante paternelle du prophète sallam, sauve-toi car je ne serai pour toi d'aucun recours. Ô Fatima, la fille du prophète, il dit, ô Fatima, demande-moi ce que tu veux de mes biens, mais je ne pourrai rien faire pour toi, yawm al-qiyamah. فَقَرَابَةُ الرَّسُولِ الصَّالِحُونَ لَهُمْ عَلَيْنَا حَقُّ الْإِكْرَامِ وَالْمَحَبَّةِ وَالْإِحْتِرَامِ وَلَا يَجُوزُ لَنَا أَن نَغْلُوَ فِيهِمْ فَنَتَقَرَّبْ إِلَيْهِمْ مِنَ الْعِبَادَةِ أَوْ نَعْتَقِدَ فِيهِمْ أَنَّهُمْ يَنْفَعُونَ أَوْ يَضُرُّونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي شَأْنِ نَبِيِّهِ قل إني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ولا رشدا فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك فكيف بغيره. Donc ce qu'il faut savoir c'est que la famille de Ahl al-Bayt ont des droits sur nous, on doit les honorer, on doit les aimer et on doit les respecter, et cela ne veut pas dire qu'on doit exagérer au point de leur donner un rang de les diviniser comme font Shia. Certains groupes de Shia, ils le font, ils les aiment tellement soi-disant que cet amour les a poussés à les adorer. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos de son prophète, il dit je ne possède pour vous ni le mal, je ne peux faire ni pour vous ni le mal, et je ne peux ni vous guider. Donc si ceci c'est valable pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est encore plus valable pour toute autre personne, même s'il fait partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-aslu thamin, le huitième point fondement que Shir cite, qui fait partie de Ahl Sunnati wal Jama'a, التصديق بكرامة الأولياء. التصديق بكرامة الأولياء وهي ما قد يجريه الله على أيدي الصالحين من خوارق العادات إكراما لهم كما دل على ذلك الكتاب والسنة. يقول الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. Donc parmi la fondement de Ahl Sunnah wal Jama'a c'est: et celui qui connaît ces fondements-là, il est préservé. Vous allez voir de quoi il est préservé. Surtout à notre époque où le sha'wada, sihr, les charlatans, la sorcellerie s'est multipliée, les gens confondent Sha'wada, la sorcellerie, les charlatans avec Al-Awliya. C'est le fait de croire aux, entre parenthèses, les miracles, les choses extraordinaires que font les Awliya. Al-Awliya, comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, c'est-à-dire ces choses extraordinaires, c'est des choses qu'Allah donne aux hommes pieux. On insiste bien, il donne ça aux hommes pieux. Des choses extraordinaires, khawariq al-ada, c'est des choses extraordinaires qui leur donnent pour les secourir ou bien pour les honorer. Comme cela a été rapporté dans le Coran et dans la Sunna. Allah Azza wa Jalla dit: "Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun." Les alliés d'Allah, nulle crainte sur eux, nulle tristesse. Ce sont qui? "Alladhina amanu wa kanu yattaqun." Ce sont eux. Al-wali, ce sont ceux qui ont amanu, qui ont cru, wa kanu yattaqun, et qui craignent, qu'ils ont la taqwa. Allah dit lahum al-bushra, ils ont la bonne nouvelle, fil hayati ad-dunya, dans cette vie, wa fil akhirah, et dans l'autre. La parole d'Allah ne change pas, et voilà le grand succès. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi, celui qui fait, dans le hadith Qudsi, Allah azza wa jalla dit, celui qui fait du mal à un de mes alliés, je lui ai déclaré la guerre. Donc c'est ça l'awliya. L'awliya, c'est des gens qui ont l'iman et qui ont at-taqwa. Et parfois Allah subhanahu wa ta'ala donne à ces gens-là des choses extraordinaires. Et généralement, comme ils disent dans le Kutub al-Aqida, c'est pour les secourir ou pour raffermir la foi ou pour Nusrat al-Din, pour aider la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah dit dans ses livres que à l'époque du prophète, c'est arrivé le Karamat al-Awliya. C'est arrivé que les Sahaba, ils avaient des miracles. Mais ils n'étaient pas nombreux. C'est bien après Tabi'in, et bien après que les miracles se sont multipliés. Pourquoi? Parce que la foi elle a baissé et la religion elle a baissé chez les gens. ولكن يجب أن نعلم أن من الناس في وقتنا من ضل في موضوع الكرامات وغال فيها حتى أدخل فيها ما ليس منها من الشعوذة وأعمال السحرة والشياطين والدجالين. Cheikh nous dit qu'il est important de savoir qu'on ne doit pas tomber dans l'exagération de Karamat al-Awliya au point de dire que tout ce qui est miracle et celui qui le fait c'est forcément un wali, même si c'est un kafir, c'est faux. Et on ne doit pas non plus tomber dans la négligence, dire non, ça n'existe pas le Karamat, ça existe. وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَاضِحٌ يعني بَيْنَ الْكَرَامَةِ والشعوذة. فالكرامة ما يجري على أيدي عباد الله الصالحين وسببها الطاعة، والشعوذة ما يجري على يد السحرة والكفرة وسببها المعاصي. Et la différence entre le karama, les choses extraordinaires qu'Allah donne aux salihin, aux hommes pieux, à ses alliés, et les choses extraordinaires que commettent les charlatans, elle est flagrante. L'une, ça, la raison, c'est l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que l'autre, c'est le kufr. C'est la personne, elle s'allie avec les shayatines et elle commet des actes de kufr pour se rapprocher d'elle et puis pour lui donner des miracles. Et nos savants disent ma hiya afdalu أعظم الكرامات. Quelle est la plus grande karama? Les savants disent الاستقامة خير من ألف كرامة. الاستقامة c'est mieux que 1000 karama. Pourquoi? Parce que la plus grande karama, le plus grand miracle qu'Allah peut te donner, c'est الاستقامة في الدين. C'est le fait que tu t'attaches à ta religion. الأصل التاسع من أصول أهل السنة والجماعة. Le neuvième fondement des gens de la Sunna wal Jama'a, c'est pas un ordre, le premier, le deuxième, c'est l'ordre dans lequel ils sont cités. Hein. C'est l'istidlal ou fil istidlal ittiba'u ma ja'a fil kitab wa sunnah batinan wa zahiran wa ittiba'u ma kana alayhi sahabatu min al muhajirin wal ansar umuman wa ittiba'u al khulafa'i ar-rashidin khususan. حيث أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. Le neuvième et dernier point que Cheikh va citer concernant les fondements de Ahl Sunna wal Jama'a, c'est le fait al-istidlal, c'est le fait que les gens de la Sunna wal Jama'a, leur source dans le fait de affirmer leur croyance ou bien de ressortir des règles religieuses, c'est le livre d'Allah et la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, zahiran wa batinan. Et le fait de suivre la voie des compagnons radiyallahu anhum parmi les muhajirin et les ansar en général, et en particulier la voie des quatre califes qui sont Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Attachez-vous à ma sunna et à la sunna de mes califes bien guidés. Wa la yuqaddimun ay ahli sunna wal jama'a ala kalam Allah wa ala kalam rasulihi kalam ahad min an-nas. Et jamais les gens d'ahl sunna wal jama'a ne devancent la parole d'Allah et celle de son prophète par la parole de quiconque, quelle que soit cette personne. Wa li hada summu ahli sunna wa ahli kitab. C'est pour ça qu'on les appelle les gens du livre et les gens de la sunna. Wa ba'da akhdihim bi kitab Allah wa sunnati rasulillah ياخذون بما اجمع عليه الصحابه والعلماء الامه وهذا هو الاصل الثالث الذي يعتمدون عليه بعد الاصلين الاولين الكتاب والسنه. Et les gens de la sunna wal jamaa, après le livre d'Allah et après la sunna du prophète sallam, leur source, leur troisième source, c'est al-ijma', c'est le consensus qu'avaient par exemple les sahaba radhiyallahu anhum ou les consensus des savants en général. Il est inconcevable qu'un musulman, à notre époque, se distingue d'un consensus des compagnons. Si les compagnons étaient tous d'accord sur une chose, cette chose, on appelle ça une hujja, c'est une preuve. Par contre, s'il existe des divergences entre les compagnons, on revient à la règle où Allah Azza wa Jal dit: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Lorsqu'il y a une divergence entre les compagnons, il y a beaucoup de règles, et en fait cette règle, la tariqa, la méthode, la méthodologie de cette règle, c'est de revenir au livre d'Allah et à la sunna du prophète. Comme Allah il dit, si vous divergez sur quelque chose, revenez vers le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فهم لا يعتقدون العصمة لأحد غير رسول الله ولا يتعصبون لرأي أحد حتى يكون موافقا للكتاب والسنة ويعتقدون أن المجتهد يخطئ ويصيب ولا يسمحون بالاجتهاد إلا لمن توفر فيه شروطه المعروفة لدي أهل العلم. Et les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a ne considère que le seul qui est infaillible, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en dehors du prophète, tout le monde peut se tromper, tout le monde peut avoir raison. C'est pour ça qu'on ne doit pas être entêté, suivre aveuglément un avis sans au préalable le comparer avec ce qu'il y a dans le livre d'Allah azza wa jal et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens de la sunna wal jama'a considèrent que les gens de l'ijtihad, qui font les gens du ijtihad, parfois dans leur ijtihad, ils peuvent avoir raison, et parfois, ils ont tort. Et ils ne permettent pas, les gens de la sunna wal jama'a, à quiconque de faire du ijtihad, sauf s'il a les conditions requises. Et parmi les conditions de l'ijtihad, j'en ai... Je vais en citer quelques-unes qu'on va retrouver dans les kutub de qu'on appelle kutub usul al-fiqh, dans les usul al-fiqh. Parmi les ijtihad, par exemple, les conditions du ijtihad pour qu'une personne soit mujtahid, c'est an yakuna aliman bil fiqh aslan wa far'an khilafan wa madhhaban. Ça élimine déjà beaucoup de gens, ça. C'est que la personne soit un savant. Mais quand on dit savant, c'est qu'il connaisse le fiqh aussi bien les règles du fiqh que les textes du fiqh, et qui connaissent à la fois les divergences et les différents madhhab connus. Aussi, أن يعرف مصطلح الحديث ومعرفة الرجال. C'est qu'ils connaissent la science du hadith, ce qu'on appelle la terminologie du hadith, tout ce qu'implique cette science, comme connaître معرفة الرجال, connaître les رجال. Par exemple, dans le hadith qui nous est rapporté du prophète, il y a une chaîne, à chaque chaîne, il y a un rapporteur. Les gens, le mujtahid, il connaît ce rapporteur. Aussi, ulum al-Qur'an. Il doit avoir la connaissance de ce qu'on appelle les sciences du Qur'an. Il doit connaître le Qur'an Karim et l'explication du Qur'an Karim. Aussi, ma'rifatu al-Nahwi wal-Lughat al-Arabiya. Il doit connaître la grammaire arabe et les différentes sciences de la langue arabe. Et aussi, an ya'lama an-nasikha wal-mansukh. Qui connaissent la science de ce qui est abrogé et abrogeant. Parce qu'il existe dans le Qur'an Karim et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des textes qui ont été abrogés, qui ont été annulés par d'autres textes. Cette règle était valable à un moment, elle n'est plus valable après. Par exemple, et ça c'est important de le connaître, par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte dans Sahih al-Bukhari ou Sahih Muslim, il a été rapporté du prophète, il dit « Innama al-ma'u bil-ma ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « On ne fait le ghusl que s'il y a eu l'ma ». On doit utiliser le ma que si il y a eu le ma. C'est-à-dire, on doit faire le rousse, le lavage, que si il y a eu éjaculation, le ma, qui est sorti de l'homme ou de la femme. Si on applique ce hadith, on dit il est dans Sahih Muslim ou Sahih al-Bukhari, l'homme qui a un rapport avec sa femme sans éjaculer, il n'a pas besoin de faire de rousse. Alors qu'on sait tous que c'est pas vrai. Pourquoi ? Parce qu'il existe un autre hadith du prophète sallam sahih qui vient abroger ce hadith, qui dit que le prophète sallam a dit lorsque l'homme se retrouve avec sa femme et que les deux sexes se rencontrent, faqad wajaba al-ghusl, le ghusl devient obligatoire. C'est un petit exemple qui montre que le mujtahid doit avoir toutes ces conditions en lui. Wala inkara indahum في المسائل الاجتهاد السائغ فالاختلاف عندهم في المسائل الاجتهادية لا يوجب العداوة والتهاجر والتنافر بينهم كما يفعله المتعصبة وأهل البدع. Et les gens de la sunna wal jama'a ne considèrent pas que ne dénigrons pas la divergence à partir du moment où il y a un texte derrière et que c'est appuyé par une compréhension des salaf al-salih. C'est pourquoi face à cette divergence, pas dans l'aqida, cette divergence dans le fiqh basée sur des dalils, ça ne doit pas causer de l'animosité, de la rancœur, de la division au sein des musulmans. Parce que ça, c'est les muta'assiba, ceux qui font du ta'assub, qui s'attachent aveuglément à un avis, et c'est aussi des qualités des gens de la bid'a, qu'Allah nous en préserve. المهم في الخاتمة en conclusion يعني ثم هم مع هذه الأصول التي مر ذكرها يتحلون بصفات عظيمة هي من مكملات العقيدة. Les gens d'Ahl al-Sunna wal Jama'a, en plus de tous ces أصول qu'on a cités, ils ont des qualités qui viennent compléter et renforcer ces fondements et cette croyance. ومن أعظم هذه الأصول أولا أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Parmi les qualités aussi d'Ahl al-Sunna wal Jama'a, c'est qu'ils conseillent le bien et qu'ils déconseillent le mal. Comme Allah Azza wa Jal dit: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Et comme le prophète sallam dit: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Donc en accord, ils font l'amr bil ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar, en accord avec la parole d'Allah qui dit vous êtes la meilleure des communautés suscitées à l'humanité, vous ordonnez le bien et vous déconseillez le mal et vous croyez en Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi celui d'entre vous qui voit une chose répréhensive qu'il la change avec ses mains, s'il ne peut pas avec la parole, s'il ne peut pas avec son cœur. Et voilà, ça c'est le plus bas niveau de la foi. Bien sûr, l'amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar doit être fait avec des dawabit shar'iyya, avec des règles religieuses, parce que sinon yazid fit tin balla, sinon ça va rajouter de l'huile dans le feu. Wa min 'ani hadhihi sifat sifat ahli sunnah wal jama'ah al muhafaza 'ala iqamati shara'i' al islam, 'ala iqamati sha'a'ir al islam min iqamati salati al jumu'ah wal jama'ah خلافا للمبتدعة والمنافقين الذين لا يقيمون الجمعة ولا الجماعة. Parmi les qualités des gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est qu'ils préservent les droits sacrés d'Allah, Azza wa Jal, comme le fait d'accomplir la prière du vendredi et les prières en Jama'a, en groupe. Et ça, c'est à la différence des gens de la Bid'a, qu'Allah nous en préserve, et des hypocrites, qui eux ne donnent aucune importance à la prière de Jumu'ah ou bien aux prières faites à la mosquée. Et aussi, thalithan, troisièmement, parmi les qualités d'Ahl Sunnah wal Jama'a, an-nasihatu li kulli muslim wa ta'awuni 'ala al-birri wa taqwa. 'Amalan bi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, ad-din an-nasiha. Qulna liman ya Rasulullah, qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immati al-muslimin wa 'ammatihim. Wa bi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك رسول الله بين أصابعه. Parmi aussi les qualités sur lesquelles sont les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est nasiha, c'est le conseil. On se conseille entre nous. C'est le conseil envers tout musulman pour s'entraider dans le bien et dans le convenable. Quand tu vois ton frère commettre une erreur, le premier réflexe, c'est de lui rapporter le nasiha. C'est pas de le sortir ou bien de le critiquer, c'est de lui apporter le nasiha pour qu'il revienne vers la vérité. Comme le prophète sallam dit, ad-din nasiha. La religion, c'est la nasiha. Ils ont dit, vers qui ya Rasulullah? Le prophète sallam, entre autres, il a dit, vers tous les musulmans en général. Et le prophète sallam a dit, les croyants, entre eux, sont comme les pierres d'un édifice. Ils se renforcent les uns envers les autres. Et le prophète, il a entrecroisé ses doigts. C'est comme ça que le musulman il doit être, et c'est comme ça que le musulman tout simplement il doit être avec les musulmans. Wa min sifatihim thabatuhum fi mawaqif al-mihan aw fi mawaqif al-imtihan wa dhalika bis-sabr 'inda al-bala' wa ash-shukr 'inda ar-rakha wa ar-ridha bimurr al-qada'. Parmi les qualités de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est d'être ferme au moment des épreuves difficiles, et de patienter face à ces épreuves, et de remercier Allah Azza wa Jal lorsqu'on est dans l'aisance et lorsqu'on est dans la facilité, et d'accepter le destin quand il vient et il est difficile. Ça, c'est une qualité des gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Et aussi, min sifatihim annahum yatahallawna bimakarim al-akhlaq wa mahasim al-a'mal wa birr al-walidain wa silat al-arham wa husn al-jiwar wa yanhawna عن الفخر والخيلاء والبغي والظلم والترفع على الناس لقوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا أو خلقا. Et aussi parmi les qualités des gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a, يتحلون بمكارم الأخلاق. Ils se vêtissent des beaux comportements. Quand tu parles de bons comportements, ça doit être Ahl Sunnah wal Jama'a qui l'ont. Ils ont bir al-walidain, le respect des parents. Wallahi ya akhi, tu peux pas, si tu es sur la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a, tu peux pas être faire aq al-walidain, être mauvais envers tes parents. Forcément, il y a un problème dans ta compréhension de l'islam, ou il y a un problème dans ta croyance, ou dans ta mise en pratique de l'islam. Pourquoi? Parce que tu dois avoir bir al-walidain, le respect des parents. Wasilatul arham, les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a, en fait, c'est les qualités du musulman. Ils doivent maintenir le lien de famille entre eux. Wahusnul jiwar, ton voisin, qu'il soit musulman ou qu'il ne soit pas musulman, il suffit que c'est ton voisin, tu dois être bon avec lui. Jusqu'au point où le prophète Assam il a dit, ma zala jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayawrithuhu. Le prophète sallam dit, Jibril ne cessait de me recommander le bon, le, de respecter le voisin au point où j'ai cru qu'il allait faire partie de mon héritage. Montrer l'importance du voisin. Est-ce que nous, on se comporte bien avec notre voisin ? وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْفَخْرِ. Et les gens d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a sont très loin de l'orgueil. On n'est pas orgueilleux envers les gens. Même les gens qui sont égarés, il ne faut pas être orgueilleux envers eux. Et on ne faut pas les regarder de haut. Toujours demander qu'Allah Azza wa Jal, il nous préserve. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même dit, les gens, les croyants qui sont, leur foi est plus complète, أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا. Ce sont ceux qui sont dotés du meilleur comportement. فَنَسْأَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فِي الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَالْاِعْتِقَادِ. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on fasse partie des gens de Ahl al-Sunnati wal-Jama'a ظاهiran wa batina. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin.